Qu'est-ce qu'il fait le Cyril là, putain? Qu'est-ce qu'il fait le Cyril là, putain? Sur un beat à 64, sur 64. Qu'est-ce qu'il fait sur un 64 là? Moi j'ai des beats basiques. Qu'est-ce que c'est que ça? Et ouais, il faut faire des trucs qui tournent en boucle, mon gars. Et après, ça peut le faire, quoi. Faut faire des trucs qui tournent en boucle, quoi, mon gars. Faut faire des trucs qui tournent en boucle. Faut faire des trucs qui tournent en boucle. Faut faire des trucs qui tournent en boucle. Thank you. Thank you. Thank you. childish. Are you crazy, man? When I think about hey, Martin Man, Vig Man, he saved the world with his love. Man, Martin Man, yeah, yeah. When I was a young girl, shower you, yeah. When I was a young girl, yeah. Vegamen.